Chapitre 9e. Monsieur Dubuisson, que les étudiants appelaient le père Dubuisson, était le recteur de l'académie. Il avait amené sa fille à Bracieux, où elle devait passer une semaine avec Bijou, le fiancé de Jeanne, un jeune professeur nouvellement nommé à la faculté de Pont-sur-Loire, les avait accompagnés. « Comme tu dois avoir chaud, mon Bijou !» cria la marquise, apparaissant à une fenêtre. Denise répondit, en s'appuyant sur la main de M. de Rueil pour descendre de cheval. « Mais non, grand-mère, c'est M. Giroux et Pierre qui ont chaud. Moi, je suis très bien. » Elle embrassa Jeanne de tout son cœur, dit bonjour à M. Dubuisson, et l'air indécis se tourna vers le professeur qui la contemplait bouche bée. « Bijou, c'est M. Spiegel !» fit Mlle Dubuisson. D'un joli geste, très gracieux, très prenant, Bijou tendit au jeune homme sa patte fine en disant « Nous sommes déjà de vieux amis. » Puis elle murmura à l'oreille de Jeanne « Il est charmant. Tu sais, il est tout à fait charmant. » M. Spiegel entendit-il cette appréciation aimable, ou est-ce par hasard qu'il devint au même instant d'une rougeur intense ?« Va vite te changer, Bijou !» commanda la marquise. « Mais grand-mère, je n'ai pas chaud, vrai de vrai. Viens ici, que je vois ça. » Docile, Bijou vint se camper devant Madame de Bracieux, et se baissant, elle tendit son dos, très habituée à ses vérifications hygiéniques. « Eh bien, grand-mère » demanda-t-elle quand la marquise retira sa main, qu'elle avait introduite entre le col de la chemise et la peau. « Eh bien, quand je vous le disais... »« C'est ma foi vrai, » grommela Madame de Bracieux. « Elle n'a pas chaud, c'est incompréhensible. » « Alors reste comme ça, si tu veux. » Elle fit pirouetter devant elle sa petite fille et affirma, satisfaite, « Tu es d'ailleurs très bien. Ça va joliment, ces petits habits de piqué blanc. »« Ça va à Bijou, » dit Bertrade, « parce qu'avec sa peau, tout va. Mais la plupart des femmes, ces petits habits anglais vont au contraire bien mal. » L'abbé Courteil regarda la jupe noire, la veste blanche et Bijou elle-même et conclut, « Dans tous les cas, c'est ravissant, ce blanc et ce noir. Mademoiselle Denise a l'air d'une grande hirondelle. » « Hé hé !» fit la marquise en toisant l'abbé avec bienveillance. « C'est gentil, cette comparaison. » Pendant que tout le monde s'occupait d'elle, Bijou, très aimable, causait, sans plus entendre ce qu'on disait avec M. Spiegel, un peu isolé au milieu de tous. C'était un jeune homme à l'air grave et doux, gourmé presque, si la gaieté de ses yeux n'eût corrigé la sévérité de la bouche et l'austérité du maintien. Assez grand et svelte, il s'habillait de vêtements sombres, bien coupés. D'ensemble, M. Spiegel donnait un peu l'impression d'un jeune clergyman élégant. Fasciné, ébloui par la beauté et la grâce de Bijou, il fixait sur elle des yeux pleins d'une extase étonnée, tandis qu'elle l'examinait à la dérobée, surprise de voir que le fiancé de Jeanne était aussi réussi. Le déjeuner parut long. Tous les hôtes de la marquise s'observaient mutuellement, les uns préoccupés et silencieux, les autres plus loquaces, mais singulièrement préoccupés aussi. Madame de Bracieux assistait, sans y rien comprendre, à ce changement d'attitude, à cette sorte de transformation qui s'accomplissait depuis quelques jours. Elle ne reconnaissait plus le petit monde qu'auparavant elle dirigeait si facilement à son gré. Seuls, M. Spiegel et Bijou, placés l'un près de l'autre, causaient avec l'animation de ceux qui parlent non pas seulement pour dire quelque chose, mais parce qu'ils ont quelque chose à dire. Plusieurs fois, Jeanne Dubuisson, assise à la droite de M. Spiegel, se tourna vers lui avec une petite flamme dans son regard bleu si bon. Elle songeait, chagrine, que bien certainement son fiancé prenait à regarder Bijou plus de plaisir qu'à la regarder elle-même. Et une tristesse lui vint à l'idée que jamais il n'avait posé sur elle des yeux aussi expressifs que ceux qu'il attachait en ce moment sur Bijou. Jeanne, qui avait 19 ans, paraissait beaucoup plus âgée que Denise, bien qu'elle fût un peu du même modèle. Les cheveux, blonds comme ceux de Bijou, étaient moins cendrés, moins brillants, mais plus épais. Les yeux d'un bleu moins rare, les dents aussi blanches, mais moins bien rangées, la peau moins éclatante, les attaches moins fines. Bijou, toute petite, mettait pour se grandir des talons trop hauts. Jeanne, assez grande, ne portait que des talons anglais, très bas. Tandis que l'une était en quelque sorte un éblouissement, l'autre passait presque inaperçue. Jolie surtout du très grand charme qui venait de son exquise bonté. Après le déjeuner, Bijou emmena tout de suite Jeanne dans le parc. Elle l'avait à peine revue depuis que son mariage était décidé. « Pourquoi » demanda-t-elle. « M'avais-tu dit d'un air tranquille que M. Spiegel était bien ?»« Mais, » fit Mlle Dubuisson, « parce que je le trouve tel. Est-ce que toi tu ne... »« Ne fais donc pas la bête. Tu sais parfaitement qu'il est mieux que bien. Mais oui. D'après la description que tu m'avais faite de lui, je m'attendais à trouver un bon petit jeune homme, l'air bien sage, même un peu pion. Et au lieu de ça, tu nous amènes à monsieur charmant. On prévient, on ne fait pas de ces surprises-là. Et sans laisser à Jeanne le temps de répondre, où l'as-tu connu? Ce printemps, à Pâques, quand nous sommes allés à Bordeaux chez ma tante. Et ça s'est décidé tout de suite? Non, mais je l'ai aimé tout de suite. Oui, tu es une tendre, toi. Et j'ai bien vu que lui aimait beaucoup, beaucoup à se trouver avec moi. Et puis? Et puis, nous sommes partis, moi, le cœur très gros, naturellement. Je croyais que je m'étais trompé, qu'il ne pensait pas du tout à moi. Tu ne m'as rien dit de tout ça? Non. D'abord, je me figurais que c'était fini. Ensuite, à personne, pas même à toi, je n'aurais voulu parler de ces choses. Il me semble que quand on aime tant, il ne faut parler de son amour qu'à soi-même. C'est la seule chance que l'on ait d'être vraiment compris. Alors, demanda Bijou en riant, tu supposes que je n'entends rien à l'amour? À l'amour tel que je le comprends, non. Tu es trop jolie, toi, vois-tu, trop faite et trop adorée, pour pouvoir, comme moi, isoler ton cœur dans une affection immense et unique. Bijou soupira et dit avec tristesse, ça doit être si bon pourtant d'aimer comme ça. Dame, ça te serait facile, ton cousin de Blaye t'adore. Oh, ne proteste pas, ça saute aux yeux, je l'ai vu à l'instant. Tu rêves, fit Bijou l'air abasourdi. Que non, il t'aime à la folie, et il me semble très digne d'être aimé, celui-là. Au lieu de dire des bêtises, achève-moi plutôt l'histoire de ton mariage. Nous disions que quand tu avais quitté Bordeaux, tu croyais que c'était fini. Après ? Après, il y a 15 jours, la chaire de philosophie s'est trouvée vacante, et papa a appris avec étonnement que M. Spiegel y était nommé. Il m'a dit, c'est une disgrâce, Pont-sur-Loire ne vaut pas Bordeaux. Et puis, pas du tout, ce n'était pas une disgrâce. C'est lui-même qui avait sollicité son changement? Juste. Et lundi dernier, il arrivait à la maison avec sa mère qui m'a demandé à papa. Comment est-elle, sa mère? Très bien, encore belle, mais l'air très sévère, un peu dur. Ne fais pas attention, toutes les protestantes ont cet air-là. Comment sais-tu qu'elle est protestante? Parce que je suppose qu'elle a la même religion que son fils. Qu'est-ce qui t'a dit que M. Spiegel est protestant? Personne. Je m'en suis bien aperçu toute seule. Ça n'a pas été long, va. Mais comment peux-tu savoir? Je ne sais rien, mais je sais tout de même. C'est très heureux d'épouser un protestant. Ils sont plus sérieux, plus réfléchis, plus fidèles. Oui, peut-être. Mais sa mère paraît, je te l'ai dit, très sévère, très. Et elle habitera avec nous. Eh bien, tant mieux. N'est-ce pas une sécurité d'avoir avec soi une mère un peu austère? C'est d'abord un porte-respect. Je crois que je n'ai besoin de personne pour me faire respecter. Et dans tous les cas, il me semble que comme porte-respect, le mari est rien du tout, rien, rien. Les parents, c'est tout autre chose. Et moi, j'étais élevé dans le culte des parents, dans cette croyance que leur présence porte non seulement respect, mais bonheur au foyer. Et je crois ça aussi pour papa. Mais Madame Spiegel est une étrangère pour moi, en somme. Et je lui en veux un peu de venir troubler l'intimité dont j'aurais été si heureuse. Tu te diras qu'elle est la mère de ton mari, qu'il l'aime, et que tu dois l'aimer pour l'amour de lui. Tu as raison. Que je voudrais te ressembler, mon bijou. Tu es tellement meilleur que moi. Je suis un ange, c'est convenu. Tu plaisantes, mais c'est joliment vrai, bah. Dis-moi. Ça ne va pas t'attrister de quitter ton fiancé pendant cette semaine que tu veux bien me donner? Non. D'ailleurs, il viendra me voir avec papa, si ta grand-mère le permet. Et puis, il va passer quelques jours à Paris. Et moi, qui te promène comme une étourdie que je suis, sans penser que ce malheureux garçon se désole certainement de ton absence? Rentrons, veux-tu? Je veux bien. Bijou laissa couler entre ses cils frisés un regard luisant et demanda, l'air indifférent, « Explique-moi donc quel incident peut avoir donné cette idée bizarre que Jean de Blaye m'aime. » La façon dont il te regardait pendant le déjeuner, et aussi son agacement quand, ce matin, nous t'attendions sur le perron et qu'il t'a vu arriver avec le petit Jonzac et son répétiteur. « Tu as trop d'imagination. »« Non, je suis sûr qu'il t'aime, et beaucoup. »« Et toi ?»« Moi ?»« Oui. Tu ne l'aimes pas, toi ?»« Non, pas comme tu l'entends, du moins. C'est mon cousin. » Je l'aime comme on aime un cousin très gentil, mais qu'on connaît trop pour l'aimer autrement. C'est dommage. Pourquoi? Parce qu'il me semble que tu serais heureuse avec lui. Bijou secoua la tête. Je ne crois pas. Il me faut un mari plus sérieux que Jean. plus sérieux. Mais il a 34 ou 35 ans, monsieur de Blaye. Qu'est-ce que ça fait? Il n'est pas sérieux, tu sais, pas du tout. Ah, je ne savais pas. Moi, je veux un mari qui n'aime que moi. Jolie et séduisante comme tu l'es, tu peux être bien tranquille. Bijou s'arrêta au milieu de l'allée et, indiquant l'avenue, « Est-ce que ce n'est pas une voiture, là-bas ? » ?»« Oui, parfaitement. »« Une voiture comment ? Je ne vois rien. »« Je suis tellement myope. »« Un phaéton à deux chevaux et un monsieur que je ne connais pas qui conduit. »« C'est bien ça. » Et comme Jeanne faisait un mouvement, « C'est monsieur de Clagny, un ami de grand-mère, le propriétaire de la Norinière. »« Ah, ce monsieur si riche !»« Si riche ? Crois-tu qu'il soit riche ? » Je n'ai pas entendu dire un mot de ça. Mais si, une fortune énorme, tout en terre. Bijou n'écoutait plus. Elle avait cueilli une pâquerette qui s'épanouissait dans l'herbe, courbant au-dessus de l'allée sa petite tête craintive et distraite, elle l'effeuillait. Eh bien, demanda Jeanne en souriant, combien t'aime-t-il? Bijou releva sa jolie tête et dit, surprise, qui ça? Celui pour qui tu interrogeais cette Marguerite. Je ne sais pas, je ne l'interrogeais pour personne. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Passionnément. Eh bien, elle a répondu pour tout le monde. En montant derrière sa petite amie les marches du perron, Jeanne ajouta. C'est vrai, tout le monde t'aime, et tu le mérites bien, bah. Quand les deux jeunes filles entrèrent dans le hall, les visages un peu endormis se réveillèrent subitement. Henri de Bracieux murmura un « Enfin, c'est pas malheureux !» qui le fit regarder de travers par sa grand-mère, tandis que M. de Clagny venait en courant presque au-devant de Bijou. Elle dit, gentille, « À la bonne heure !» C'est aimable d'être revenu comme ça tout de suite nous voir. « Trop aimable. Vous allez en avoir de moi par-dessus la tête ?» Elle répondit, toute souriante, « Jamais. » Puis, prenant Jeanne par la main, elle le présenta. « Jeanne Dubuisson, ma meilleure amie, que je vais perdre, car elle se marie. » « Mais, » fit la jeune fille toute chagrine, « pourquoi dis-tu ça, Bijou ?» Tu sais très bien que marié ou pas, je serai toujours ton ami. Oui, on dit ça, mais ce n'est plus la même chose. Quand on est marié, on n'est ni aux parents ni aux amis, on est à son mari, à lui seul. Monsieur de Clagny dit à demi-voix que c'est beau, les illusions. Brusquement, Bijou se tourna vers lui, demandant « Qu'est-ce que vous dites ? Une bêtise ?»« Non, j'ai compris que vous vous moquez de moi, parfaitement. »« Vous avez beau secouer la tête, je le sais bien tout de même que vous vous moquez de moi. » Et c'est parce que j'ai dit, quand on est marié, on n'est plus qu'au mari. Eh bien, ça peut être très ridicule, mais c'est mon avis. Et je parie bien que c'est aussi celui de M. Spiegel. Le jeune homme s'inclina en souriant sans répondre. Bijou, s'adressant toujours au comte. Vous l'a-t-on présenté, M. Spiegel? Non? Alors je répare cet oubli. M. Spiegel, le fiancé de Jeanne. Qui n'ose pas soutenir que j'ai raison parce qu'il n'est pas en force. C'est vrai! Il n'y a ici que lui de marié, ou presque. Eh bien, et Paul ? Fit la marquise en riant. Paul ? Ah oui, c'est vrai, je ne pensais plus à lui. Enfin, les gens pas mariés dominent. Henri, Pierrot, Monsieur l'abbé, Monsieur Giraud, Jean. Tiens, qu'est-ce qu'il a donc, Jean ? Il a une drôle de figure. Jean de Blaye, assis dans un fauteuil de bambou, les yeux à demi fermés, la tête appuyée sur sa main, paraissait sommeiller. Il répondit : J'ai mal à la tête. Et comme elle insistait, le questionnant pour savoir comment cela était venu, il s'écria bourru. « Eh bien quoi, c'est la migraine! Est-ce qu'on sait comment ça vient? Ça vient comme ça peut, mais ça vient. » Bijou était passé derrière le fauteuil où se reposait son cousin. Elle reprit, sans se laisser décourager par sa brusquerie, en regardant son visage pâli, ses traits tirés, ses yeux largement cernés. « Il faut que tu aies très, très mal pour avoir une mine pareille. » Et pour avouer surtout que tu as quelque chose, toi, qui poses toujours pour l'homme fort. Mon pauvre Jean, je voudrais tant te savoir mieux. » Elle s'inclina, et posant doucement ses lèvres sur les paupières meurtries du jeune homme, les y tint appuyées assez longtemps. Jean de Blaye devint très pâle, puis très rouge, et se levant d'un mouvement violent. « Tu m'as fait peur, » dit-il l'air gêné, le regard incertain. « C'est stupide, mais je ne te voyais pas, et alors ça m'a surpris. » Monsieur de Clagny s'est élevé, lui aussi, avec une sorte de colère, en voyant Bijou embrasser son cousin. Comprenant à quel point était ridicule son émotion jalouse, il se rassit et dit goguenard. « Si ce remède-là n'agit pas, c'est que la maladie de Blaye est incurable. » Monsieur de Reuil regarda avec envie Jean qui sortait du salon et s'adressant à Bijou d'une voix qui s'enrouait. « Quand j'ai la migraine, et ça m'arrive souvent hélas, vous êtes moins compatissante. » Monsieur Giraud restait pétrifié sur la petite chaise basse où il était assis. Les yeux fixés à terre, les lèvres serrées, il semblait n'avoir rien vu. Pierrot, lui, s'écria franchement. « En a-t-il une veine, cet animal de Jean ?»« Sans doute, répondit l'abbé Courteil avec conviction. « Mais il a tout de même bien mal à la tête, le pauvre monsieur. Je connais ça, moi, la migraine. » La marquise se pencha à l'oreille de Bertrade et lui dit en examinant Bijou de côté « Est-elle assez délicieuse, cette petite, et bonne, et enfant surtout ? A-t-elle assez simplement embrassé ce nigaud de Jean, à qui ça a fait peur ?»« Oh, peur, il était troublé, le pauvre garçon. Il a voulu expliquer son trouble, voilà tout. »« Crois-tu ? Avec lui, on ne sait jamais. »« Vous n'avez pas vu qu'il est parti tout de suite ?» sans même dire adieu à M. Dubuisson et à M. Spiegel qui s'en vont. » La marquise se tourna vers les deux hommes qui s'approchaient pour la saluer. « Puisque nous gardons votre Jeanne, j'espère que vous viendrez la voir souvent. » Bijou demanda, s'adressant à son ami. « Bien vrai, ça ne t'ennuie pas de rester à Bracieux. Je ne t'en voudrais pas de préférer à moi ton fiancé, tu sais. » Spiegel est obligé d'aller passer quelques jours à Paris, dit M. Dubuisson. « À son retour, je viendrai avec lui chercher Jeanne. » En quittant le salon quelques instants plus tôt, Jean de Blaye éprouvait un douloureux malaise. L'innocent baiser de Bijou, ce baiser donné si franchement devant tout le monde, l'avait bouleversé, réveillant brusquement l'amour qu'il voulait endormir sous les tendres caresses de Madame de Nézel. La veille, il disait à la jeune femme qui se serrait toute frémissante contre lui « Est-ce que je peux aimer, comme je t'aime, cet enfant que je n'ai jamais touché du bout des doigts ?» À ce moment-là, il se sentait repris peu à peu par les sensations passionnées et profondes que son amour pour Bijou ne pouvait pas lui donner. Et voilà que tout à coup, au lendemain même du jour où il espérait l'oubli, où il s'expliquait, à peu près calme, la cause de cet oubli, cette cause disparaissait, faisant place à un trouble très grand, qui le laissait sans force pour la lutte. Ses désirs, en se transformant, s'augmentaient, tandis que la tendre et pâle image de la maîtresse tant aimée s'éloignait, pour ne plus revenir, croyait-il. Il comprenait qu'il ne devait pas essayer plus longtemps de conserver l'amour de Madame de Nézel, alors qu'il ne pouvait plus lui donner le sien. Et en pensant à cette affection si forte, où venait au jour mauvais s'abriter son cœur, il pleura. Depuis 4 ans, la jeune femme lui abandonnait toute sa vie, toute son âme, tout ce qu'il y avait en elle de délicat et de charmant. Et pendant que la tante de Bracieux, l'oncle Alexis et les Rueil et toute sa famille le croyait occupé à faire la noce, il vivait d'une vie très ignorée et très douce, organisée dans l'ombre, à côté de la vie extérieure que chacun connaissait et critiquait. C'était à ce bonheur paisible et chaud qu'il fallait renoncer, et pourquoi? Allait-il se décider à dire à Bijou son amour? Et même, en admettant qu'elle ne repoussât pas cet amour, était-il en situation d'épouser ce merveilleux bibelot créé pour un cadre luxueux? Bien des fois déjà il y avait songé, et toujours il s'était dit que ce serait une absurde folie. Et puis, jamais Bijou ne l'aimerait assez pour accepter cette médiocrité tranquille. Comme il avait promis à Madame de Nézel d'aller le lendemain à Pont-sur-Loire, il lui écrivit un mot pour s'excuser. En cachetant sa lettre, il pensa « Elle ne croira pas au prétexte que je lui donne, mais elle comprendra, et c'est fini. » Et soudain, il se sentit seul, très seul. Il eut la perception singulièrement nette de la vie qu'elle allait dès lors être la sienne, et il frissonna douloureusement. Pendant qu'il ressassait dans sa pauvre tête brisée toutes ses tristesses, Bijou, en installant Jeanne Dubuisson, affirmait « Tu rêves. Je te dis, tu rêves. Il m'aime bien, comme on aime sa cousine, ou même sa sœur. Non, il n'y avait qu'à regarder sa tête quand il est sorti du salon. Il était bouleversé. Je suis sûr qu'il l'est encore. Veux-tu que j'aille le lui demander? Mais au fait, il est 7 heures. Nous n'avons que le temps de nous habiller. Je reviendrai te prendre après le premier coup du dîner. » Quand Bijou, très simple toujours, mais mis à ravir, sortit de sa chambre, le grand corridor du premier était obscur et silencieux. Chacun chez soi s'habillait pour le soir. Les domestiques avaient fermé les persiennes et n'avaient pas encore allumé les lampes. Jean, qui sortait de chez lui, distingua à quelques pas dans l'ombre une silhouette blanche qu'il se hâta de rejoindre. Bijou demanda « C'est toi, Jean ? Oui, c'est moi, et j'aurai un mot à te dire. Quelque chose de pas trop long ? Le premier coup est sonné. Quelque chose de très court, mais je préfère n'être entendu que de toi. Veux-tu que nous entrions chez toi ou chez moi ? Chez toi, puisque nous sommes à ta porte. Bijou ouvrit, et quand Blythe fut entrée, elle dit « Attends, ne remue pas, pour pas que tu te cognes, j'allume. » Il l'arrêta par le bras. « Pas la peine d'avoir de la lumière, je sais parler sans y voir. D'ailleurs, ça ne sera pas long. Je veux te dire, mon bijou, que ce que tu as fait ?»« Tu sais bien, tantôt. » Elle parut chercher. « Tantôt, qu'est-ce que j'ai donc fait ?»« Tu m'as gentiment, oh, bien gentiment embrassé. Mais tu es trop grande pour faire ça, quand il y a du monde. » Elle demanda en riant. « Et quand il n'y a personne, est-ce que je peux ?» dit. Avant qu'il eût le temps de répondre, elle le saisit par les épaules et tendit vers lui ses lèvres. Il abaissait au même instant sa tête et le baiser lui effleura la bouche. Bijou fit entendre une sorte de plainte caressante et craintive qui l'émut profondément. Décidé à parler cette fois, il voulut attirer à lui la jeune fille, mais elle repoussa les mains qui cherchaient à la retenir, s'élança hors de la chambre et au frôlement rapide de sa robe contre la muraille, il comprit qu'elle s'enfuyait.